soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se siente? ¿Y qué? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva? Ah, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver sur Au bord des corps pour ce nouveau podcast No Borders, contre les frontières. Cet été, je suis allée à Calais. J'y suis allée pour m'engager dans différentes associations et collectifs, notamment contre les CRA, et je voulais faire un podcast suite à ça. J'ai réalisé plusieurs interviews à un camp No Borders en septembre 2023. C'est le collage de ces différentes interviews que vous allez entendre juste après cette petite introduction, car je voulais d'abord resituer un peu la situation à Calais. Calais a toujours été un lieu de passage de l'immigration, des personnes exilées qui viennent et qui cherchent à passer en Angleterre, au Royaume-Uni. Mais il y a eu plusieurs vagues successives et plusieurs moments clés qui sont à connaître. En 90, l'immigration vers Calais était surtout liée à la guerre au Kosovo. De 92 à 2002, s'est constitué un centre d'hébergement et d'accueil d'urgence humanitaire, le CHAUH de Sainte-Gatte, à côté de Calais. En 2000, a eu lieu le camp de Sainte-Gatte, puis le camp de Calais et celui de Coquelles, une autre ville qui jouxte Calais. En 2004, ce sont les accords de Touquet entre la France et le Royaume-Uni qui définissent et encadrent la zone de frontière en France, avec une ligne de frontière délimitée à 25 km de la limite continentale. De 2008 à 2009, il y a environ 700 personnes qui se regroupent en camp. De 2010 à 2014, les personnes se retrouvent plutôt dans des squats en centre-ville. Il y a environ 600 personnes exilées à ce moment-là, dans ces squats. De 2015 à 2016, c'est la Big Jungle, qui est tolérée par les autorités. Elle regroupe environ 10 000 personnes. Le terme Big Jungle, on y reviendra dans les interviews, provient de certains réfugiés afghans, afghanes, iraniens, iraniennes, désignant les bois, où elles ont installé leur campement sous le terme persan et pashto de djangal, qui a la même origine indo-iranienne que le mot jungle, mais signifie simplement forêt en persan. Ce n'est donc pas un terme péjoratif, c'est un terme qui vient des personnes exilées elles-mêmes pour définir leur lieu de survie, d'habitation entre guillemets. À ce moment-là, il y a différentes communautés qui se retrouvent, sudanaises, érythréennes, etc. Les premières associations se montent au fur et à mesure des années et se retrouvent dans la warehouse, lieu de l'auberge des migrants, l'entrepôt, dont on va parler dans les interviews. Il y a plusieurs associations, telles que le Refugee Women's Center, le Calais Food Collective, le Child Project, qui s'occupe plutôt des enfants, le Human Rights Observer, etc., autant d'associations que nous allons évoquer dans ces interviews. Le 24 octobre 2016, c'est l'expulsion de la Big Jungle par le gouvernement, en trois grandes parties. Et maintenant, les situations sont très différentes. Les zones de vie sont bien divisées, mais malgré le démantèlement de la jungle, elles se maintiennent, en dépit de la politique de zéro point de fixation, sur laquelle nous allons revenir également. Pour ce qui est des CRA, je vous fais un petit historique, en sachant qu'il y a toujours eu des résistances, des luttes anti-CRA. Durant la Première Guerre mondiale, des civils ressortissants de pays en guerre avec la France sont enfermés dans des camps, sur simple décision administrative. Dans les années 30, se forment des baraquements, pour enfermer les étrangers R, suspicieux E, dangereux E, etc. En tout cas, dits suspicieux E, ou dangereux E. On y retrouve des nomades, des anti-allemands, allemandes, des juifs, juives. Puis dans les années 40, on enferme les étrangers étrangères dits en surnombre économique. On y retrouve des femmes, des enfants, des vieillards et intellectuels. Le terme « indésirable » pour les définir va être banni du langage avec la Shoah, mais il ressurgit actuellement. Il y a eu également des CARS, des camps d'assignation à résidence surveillée pour les Algériens algériennes suspectés de terrorisme. Et on revoit de nouveau ce terme de terrorisme aujourd'hui dans les discours politiques qui venaient d'extrême droite et qui sont banalisés par le gouvernement actuel, avec un amalgame entre étrangers étrangères et personnes dangereuses dangereuses. En 1964, c'est le hangar du Haren, A-R-E-N-C, à Marseille. Suite à la vague d'indépendance, des premières rétentions sont faites donc pour enfermer des personnes étrangères en vue d'expulsion, mais ce sans aucun fondement juridique. Dans le hangar du Haren, ce sont essentiellement des personnes algériennes qui sont enfermées. En 1975, le journal La Marseillaise révèle les faits et éclate un scandale, l'affaire Haren. Il y a alors une bataille de légalisation juridique de ces camps. la circulaire du gouvernement Barre est annulée par le Conseil d'État, puis la loi du ministre de l'Intérieur Bonnet est partiellement invalidée par le Conseil constitutionnel, selon le principe que nul ne peut être arbitrairement détenu. En 1981, c'est la loi Sécurité et Liberté qui rétablit le principe d'internement pendant le temps dit nécessaire et qui limite la détention administrative, sans contrôle judiciaire toujours, à 48 heures. Finalement, advient la loi Questio, en 1981, sous Mitterrand donc, qui affirme le principe de la pénalisation de l'immigration irrégulière, en constituant légalement cette fois des lieux de privation de liberté, indépendants de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximum de 7 jours. En 1983, c'est l'association La CIMAD qui obtient le monopole dans ces centres pour y observer les droits humains et venir en accompagnement des personnes. En 2007, il y a une ouverture au marché public avec la mise en concurrence des différentes associations pour travailler dans les CRA. Le 12 février 1986 se tient le traité de Canterbury qui fixe les premières bases légales des accords de contrôle aux frontières entre le Royaume-Uni et la France et qui va faire que de plus en plus de personnes exilées vont être enfermées dans les centres de rétention administrative. De 1992 à 2018, les durées de rétention dans les centres de rétention administrative vont être allongées progressivement. En 2016, sous Hollande, se fait la légalisation de la rétention des familles, puis la loi immigration de Gérard Collomb, en 2018, fixe à 90 jours maximum la durée d'enfermement. Aujourd'hui, la durée moyenne d'enfermement avant l'expulsion effective est de 23 jours. En 2009, après plusieurs mois d'action, de recueil de témoignages et de co-watching, la surveillance de l'action des keufs, les militants militantes de Calais Migrant Solidarity, CMS, publient le rapport « Calais, cette frontière tue ». Des résistances ont toujours eu lieu à l'intérieur des CRA, des révoltes, des grèves de la faim, des suicides, etc. Comme en mai 2017, où il y a eu la grève de la faim au CRA de Bordeaux, réunissant 11 personnes. Le 13 novembre 2012, saisi par un collectif d'associations et de militants militantes, le Défenseur des droits publie un rapport qui dénonce le harcèlement policier et les violations des droits dont sont victimes les personnes exilées à Calais depuis de nombreuses années. En 2023, il y a environ 25 CRA en France, avec un maximum de 140 places. Il y en a 4 dans les départements dits d'outre-mer, le plus grand étant celui de Mayotte. Ces centres sont gardés par des policiers-policières et non des surveillantes pénitentiaires. C'est là une dimension importante. Les centres de rétention administrative ne sont pas censés être des prisons, même s'ils y ressemblent grandement. Il n'y a pas de matons, mais bien des keufs, puisque cela ne relève pas du pénal, normalement. Les personnes qui sont enfermées dans les CRA le sont parce qu'elles n'ont simplement pas les bons papiers estimés par le gouvernement français et sont enfermées pour être maintenues à vue jusqu'à que puisse être organisée leur expulsion vers leur pays d'origine. Le CRA dont nous allons parler dans ces interviews, c'est le CRA de Coquel, qui a été créé en 2003 avec une extension réalisée en 2020. Il contient 104 places hommes. Je voudrais faire un petit point sur la situation dans les CRA. À Bordeaux, on a le plus petit de France pour l'instant. Il se situe au sous-sol de l'hôtel de police. C'est une spécificité car la plupart des autres CRA de France sont des grands bâtiments excentrés, loin des yeux, loin des cœurs, semblables aux prisons, proches des aéroports par exemple, pour que ce soit rendu plus facile les expulsions. Les principaux acteurs de ces CRA, ce sont la PAF, la police aux frontières, qui ont le rôle de matons, mais version CRA. Il y a également une unité médicale, l'UMCRA, un organisme de ménage, un organisme de préparation des repas. Les retenues sont appelées au micro. À Bordeaux, elles ne sont pas enfermées dans les chambres, et comme dans la plupart des centres de rétention administrative, elles peuvent se déplacer dans le centre, mais cela reste un espace très petit. À Bordeaux, il y a deux ailes avec 5 chambres de 4 places. Une petite cour qui est plutôt un patio avec un grillage au-dessus qui donne sur le parking du commissariat, où il n'est pas rare qu'il y ait des insultes de la part de la police. Il y a également une pièce d'isolement, un réfectoire de 3 tables, une salle télé. Il n'y a rien à faire dans ces CRA. Dans la plupart des CRA, les personnes exilées ont le droit au téléphone avec des caméras désactivées, car la captation d'images est interdite, donc pas de smartphone dans les faits. Les visites sont autorisées pour une durée de 30 minutes via des parloirs, des petits bureaux. Au CRA de Vincennes, il y a une énorme plaque vitrée, les parloirs se font simultanément de 2 à 3 personnes en même temps et c'est très difficile d'entendre ce que l'autre personne dit en face. Les personnes enfermées en CRA sont exposées à une grande vulnérabilité. La promiscuité génère des tensions avec la police ou entre retenus. Il y a une grande incompréhension de la raison pour laquelle elles sont enfermées, puisqu'elles disent ne pas avoir commis de délit ou alors d'avoir déjà purgé leur peine de prison. Des défenseurs des droits et contrôleuses généraux général, des CRA rendent des rapports après leur visite, mais il y a très peu d'avancées. Les traitements sont inhumains, les CRA manquent de luminosité, il n'y a pas d'argument véritablement juridique pour les faire sortir. Les étrangers et étrangères alternent régulièrement entre CRA et prison, pour des délits spécifiques aux étrangers et étrangères, tels que par exemple, lors de la pandémie de Covid, le refus de test PCR, quand celui-ci est rendu obligatoire lorsque le pays d'accueil le demande. Également l'évasion d'un CRA, c'est un délit spécifique aux étrangers et étrangères, le refus d'embarquement, etc. Le maintien en France après des mises en rétention ou assignation en résidence sont là par contre des délits. Les personnes en CRA ont plusieurs droits. Droit à voir l'association qui est à l'intérieur, droit de consulter des avocats avocates, droit à une interprète, droit à une assistance médicale. Mais souvent, ces actrices, notamment les médecins et les interprètes, sont très complaisants avec les keufs et les juges. Il y a forcément une énorme méfiance envers les associations telles que la CIMAT qui sont à l'intérieur des CRA, car c'est la police qui leur ouvre la porte, il y a une nécessité d'entretenir des relations cordiales avec elles pour pouvoir continuer à faire leur travail. Comment ça se passe la rétention en CRA? Lorsque la personne est arrêtée, elle passe 48 heures en CRA, puis passe devant le AJLD, le A-juge des libertés et des détentions, qui va décider du renouvellement ou non de la rétention pour 21 jours. Puis après, la personne repasse devant le AJLD. La plupart du temps, les personnes enfermées n'ont pas de passeport. Donc il y a la nécessité pour les administrations de contacter les ambassades pour obtenir des laissez-passer consulaires. C'est cela qui prend du temps. Et c'est là-dessus que se joue le travail des avocats-avocates, qui est un travail très procédurier. Il n'y a pas de place pour des arguments en faveur des droits humains. Les arguments pour faire sortir les personnes vont plutôt être du type « vous avez mis trop de temps, vous n'avez pas avancé dans les mesures pour délivrer les laissez-passer, la personne n'a pas vu de personne du consulat ». De base, la philosophie du droit, c'était que la situation d'irrégularité des personnes exilées donnait lieu à des assignations à résidence avec des pointages au commissariat hebdomadaire. C'était basé sur un certain, très relatif, principe de liberté. Mais désormais, la rétention est devenue le principe, car il n'y a pas de différence nivelée en droit. Les conditions de rétention sont devenues très larges. Combien coûte un CRA? En moyenne, un CRA coûte de minimum 13 000 euros par personne retenue et en comprenant l'expulsion, jusqu'à 40 000 euros, et en moyenne, c'est 20 000 euros. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est une organisation intergouvernementale d'études économiques dont les pays membres sont des pays dits développés pour la plupart, a rendu une étude qui montre que tout ce que coûte la politique migratoire avec les contrôles aux frontières, etc., etc., de toute façon, l'immigration en elle-même va venir rapporter plus à 0,1% de plus que ce qu'elle coûte. 8% des personnes avec des obligations de quitter le territoire en France sont effectivement expulsées. Il y a également une multiplication des LRA, les locaux de rétention administrative, et cela va s'accélérer avec la nouvelle loi. Les LRA, ce sont des petits locaux où le droit est très flou, comme des mini-CRA, mais où les personnes sont enfermées pour 24 à 48 heures avant leur expulsion. Ce sont des locaux sans avocat, avocate, sans association. La plupart du temps, elles sont dans des commissariats ou proches des aéroports, voire dans les aéroports. Il n'y a pas de téléphone autorisé. À Bordeaux, il y a un projet donc de futur CRA à Mérignac. Initialement, c'était à Pessac, mais le président de la métropole, M. Anziani, a cédé le terrain de Mérignac. Suite aux mobilisations des voisins-voisines de Pessac qui ne voulaient pas de CRA chez elles. Donc très proche de l'aéroport cette fois. Et ce CRA, ce serait une copie de celui de Lyon, un CRA très moderne. Or, la contrôleuse générale des lieux de prison a fait un rapport catastrophique en matière de maltraitance sur le CRA de Lyon. Des CRA, il y en a partout en Europe, et de plus en plus externalisés aux frontières, ou dans les pays comme la Libye ou la Turquie, des pays par lesquels les personnes exilées passent pour rejoindre l'Union européenne. Des accords sont passés pour accepter la rétention des personnes renvoyées par l'Union européenne, et ces personnes sont alors enfermées, du coup, dans ces pays, dans des conditions extrêmes de violation des droits humains. En échange, l'Europe fait du chantage aux visas, par exemple. Elle leur dit, si vous acceptez de récupérer tant de personnes exilées dans vos camps et de les retenir chez vous, on vous offrira plus de visas touristes, etc. Il y a également un cas de camp connu en Australie qui a fait un énorme scandale et maintenant les centres d'enfermement sont sur des îles. Le scandale avait eu lieu parce qu'il y avait eu la rétention d'une personne australienne avec des troubles psy. On peut retrouver cette histoire dans la série Stateless sur Netflix. What is it that you want? I want to be loved. Here, you can be anyone you want to be. Sophie's missing. I wondered if you'd heard from her. She just stopped coming here. Such a shame. In the vast majority of cases, those people who are missing choose to remain missing. Because they're running from something. Excuse me, I don't belong here. No, you don't. This Australia's detention regime is a reflection of our highly developed migration system, enabling us to determine both the identity of asylum seekers and the legitimacy of their claims for protection. You are all starting a new life. You cannot hold on to the past. Please, this has been a mistake. I am not a criminal. There are places like this all over Australia. Why? Because we are terrorists. Can you confirm that an Australian citizen has been illegally detained in Barton? People will be very interested in you. They will want to know why someone who looks just like them trapped in a place like this. She's been missing for weeks and you're telling me you've got nothing? You think this group had something to do with your sister's disappearance? It isn't safe to say who I really am. People are dying. Families are being destroyed. That was the one chance that they had to be a family. You took that from them. I'm a father, a man of faith. Why can't you see that when you look at me? She doesn't know what we are capable of. We cannot put a lid over a pot that's already boiling. I don't belong here. You're stuck here unless you tell me who you really are. I think they've done something to my sister. If I were you, I would run, because if I ever lay eyes on you again, I'll destroy you. The world should know what they are doing to us here. Soon they will. I want to be loved. Les possibles leviers pour lutter contre les CRA, eh bien, on va y revenir un peu dans les interviews, mais c'est surtout la sensibilisation, parce que beaucoup de personnes ignorent ce que sont les centres de rétention administrative. La sensibilisation, c'est ce que j'essaye de faire un peu avec ce podcast. Donc les recours juridiques, le harcèlement, la dénonciation des boîtes collaborationnistes, des projets de chantier de nouveaux CRA. Et enfin, qu'est-ce que la nouvelle loi va venir changer en matière d'enfermement et de droits des personnes étrangères? Vous pouvez retrouver mon podcast sur le projet de la loi Darmanin qui avait été fait, il me semble, en juin 2023. Pour l'update, 35 articles ont été retoqués au Conseil constitutionnel. Mais il n'est pas impossible qu'il soit remis en vigueur plus tard sous une autre forme. Cette loi a commencé à être élaborée il y a 2 ans. Des ministres et parlementaires ont dit elles-mêmes que leur loi était anti-constitutionnelle. On voit bien là le resserrement fascisant des pouvoirs en place. De cette loi, il en ressort des dispositions restrictives de droit, avec une période de rétention saucissonnée de 48 heures à 21 jours à 30 jours, et des conditions pour être enfermé élargies. Par exemple, la menace à l'ordre public, qui est un terme très vague et laissé à la libre interprétation des keufs, peut permettre d'allonger la rétention. Il y a eu un passage du délai avant la remise en rétention, après qu'une personne soit sortie du CRA, qui était de 7 jours. Normalement, une personne qui s'est sortie du CRA ne pouvait pas être remise en CRA avant 7 jours. Maintenant, c'est 48 heures. Avant, il y avait des protections contre l'éloignement des parents, parentes, des étrangères malades, des conjoints, conjointes. Cela n'est plus le cas. Ce qui reste, c'est la protection pour les mineurs, qui ne peuvent normalement pas être enfermés en CRA, sauf à Mayotte, là où il y a, comme je le disais dans le podcast sur la loi Darmanin que j'avais fait en juin, un véritable laboratoire d'expérimentation des politiques migratoires fascistes de la France. Donc là, à Mayotte, les mineurs peuvent être enfermés en CRA. C'est un régime d'exception. Mais encore faut-il, pour les autres lieux dits français, que les mineurs soient reconnus comme tels, puisque les tests osseux, sans aucune validité scientifique et fortement hérités par les politiques coloniales et racistes, sont toujours d'actualité. Il y a également d'autres tests que les tests osseux, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails sordides. Concernant la régularisation par le travail, la préfecture reste discrétionnaire en la matière, c'est-à-dire que c'est elle qui décide, selon son bon vouloir. La régularisation par le travail entraînera toujours le remplacement par d'autres personnes. Il y a un certain élitisme avec la délivrance de passeports talents et un utilitarisme pour le reste. Sachant que, comme je l'avais dit dans le podcast sur la loi Darmanin, la liste des métiers dits en tension est basée sur celle de Pôle emploi et n'est pas forcément réaliste des métiers réellement en tension dans l'ensemble de la société. Les étudiants et étudiantes ne sont pas censés rester, sauf pour des métiers très particuliers avec des revenus extrêmement élevés. L'assignation à résidence est multipliée par 2 pour les personnes expulsables et par 3. Donc c'est-à-dire 3 ans pour les personnes non expulsables. En parallèle se déroule le pacte d'asile immigration européen, qui a été d'abord présenté en automne 2020 par la Commission européenne, et qui entend faire une réforme globale des politiques d'immigration et d'asile. Il entend répondre aux dites problématiques de solidarité et à la soi-disant crise de l'accueil de 2015. Ce pacte prévoit l'enfermement de 5 jours des personnes sans papier, R, avant de pouvoir rentrer en Europe, donc c'est-à-dire un enfermement à la frontière, avec des centres d'étrangers et étrangères aux frontières, et les demandes d'asile traitées de manière extraterritoriale. Une sorte de filtrage à l'entrée pour celles qui n'ont pas de visa. On ne sait pas exactement comment se dérouleraient ces études des demandes d'asile, mais l'idée ce serait que les administrations en place étudient les chances pour les personnes d'obtenir l'asile, et si elles estiment qu'elles n'ont pas de chance d'obtenir l'asile dans le pays dans lequel elles entendent rentrer, et elles seront automatiquement renvoyées dans leur pays d'origine. Ce pacte aussi, c'est la fin de la personnification des demandes d'asile. Avec la mise en place de quotas, des demandes d'asile se feront au prorata de l'octroi de l'asile selon les années précédentes, 20% par exemple. C'est donc la généralisation de ce qui existe en Libye, en Turquie et aussi en Tunisie, avec ce dont je parlais, la marchandisation au visa, en échange de la réadmission des demandeuses d'asile par leur pays d'origine. La répartition des personnes arrivées dans les différents pays se ferait via des quotas, et donc ce serait la fin du règlement Dublin, où c'est le pays dans lequel les personnes sont arrivées qui sont censées prendre en charge les demandes d'asile. Après, quels critères pour ces quotas? On ne sait pas si ce sont les langues parlées par les personnes, parce que si les personnes parlent plus français, bah c'est normal qu'elles aient plus envie d'aller en France. Est-ce que ce serait les capacités d'accueil? Sachant déjà que la France ne prend pas sa part dans l'accueil des personnes exilées. Tout ce pacte asile-immigration, comme la loi Darmanin, vont à l'encontre de la Convention de Genève, qui a institué le droit de fuir son pays et de demander l'asile. Voilà, je sais que ce sont des questions complexes, j'espère que cela ne vous a pas trop perdu. N'hésitez pas à m'écrire pour échanger sur le sujet. Je laisse place maintenant aux interviews avec mes invités. Bah du coup, moi je m'appelle Jade et je suis à Calais depuis 2 ans et demi. Je suis arrivée à Utopia 56 pour un stage, puis je suis restée au final dans différentes associations. Puis j'ai travaillé dans une association à la plateforme des soutiens aux migrants pendant un peu plus d'un an, et voilà. Ok, tu peux expliquer ce que c'est un peu Utopia 56 et ce que fait l'association dans laquelle tu as travaillé pendant un peu plus d'un an ensuite? Bah donc Utopia 56, c'est une association d'urgence qui répond à, enfin qui a un numéro que les personnes peuvent appeler 24 heures sur 24, et ils essayent de répondre au maximum à des demandes. Ça peut aller de juste une simple information à un besoin d'aller à l'hôpital, d'appeler les pompiers, enfin c'est très varié. Et ils sont mobiles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a eu deux équipes qui tournent, équipe de jour, équipe de nuit. Et voilà. Ensuite, j'étais à CFC, du coup, okay. À Calais Food Collective. Donc là, c'est un collectif qui fait de l'accès à l'eau et qui distribue de la nourriture sèche aux personnes exilées de manière mobile. Donc personnes n'ont pas à faire la queue. Ils donnent directement des cagettes avec de la nourriture pour 3 jours sur le campement directement. Je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans. Je suis à Calais depuis maintenant peut-être 9 mois. Je travaille pour une association qui s'appelle Calais Food Collective. C'est une association qui s'occupe d'alimenter en eau les différents campements informels que tu peux avoir à Calais, en mettant en place des grosses citernes d'eau qu'on vient remplir tous les jours. Et on fait aussi un service de distribution alimentaire, de nourriture sèche pour que les personnes exilées puissent cuisiner ce qu'elles veulent, quand elles le veulent, dans les jungles, enfin dans les campements. Ça marche. Et comment ça se passe, du coup, avec la politique de zéro point de fixation, par exemple, le fait que les personnes soient obligées de bouger régulièrement, comment vous faites pour avoir quand même des spots pour être ou des zones sur lesquelles vous êtes sûr d'avoir toujours des personnes et savoir combien de personnes il y a? Du coup, la politique des zéro point de fixation, ça consiste principalement à empêcher toutes sortes d'installations permanentes, donc avec des expulsions toutes les 24 heures, des policiers qui viennent récupérer des tentes, détruire toutes sortes de structures que les personnes exilées auraient pu construire pour s'installer un peu plus dans la durée, ou juste de manière plus confortable. Et en fait, ça ne change pas le fait que les personnes, elles sont globalement toujours au même endroit, et donc nous, ce qu'on fait, c'est d'une semaine à l'autre, on a des espèces de grandes cartes, on sait à peu près où sont les gens, et du coup on prépare les petites boîtes avec la nourriture, etc., en fonction du nombre de personnes par rapport à la semaine d'avant. Et ensuite on a toujours des boîtes d'extra pour au cas où il y a plus de gens qui sont arrivés, qu'il y a des nouveaux groupes ou que les nombres ont changé. Et voilà, et puis à chaque fois, on se balade avec des petites brouettes et puis on va de campement en campement et on peut distribuer comme ça. On demande à chaque fois combien de personnes ils sont pour distribuer les quantités qui sont correctes. Mais ouais, cette politique de remodification, elle change pas vraiment le fait que les gens, ils sont là depuis que je suis arrivée à janvier. Finalement, les campements ont très peu changé. Enfin, les gens ont changé, c'est pas du tout les mêmes personnes. Par contre, les lieux où ils vivent sont plus ou moins les mêmes. Parfois il y a des grosses expulsions où là ils vont, je sais pas, raser une forêt, retourner tout un terrain, ce qui fait que les gens vont se déplacer et aller à un autre endroit, mais finalement on arrive toujours à voir à peu près où sont les gens. Et quels sont vos liens avec les autres associations? Donc du coup, Calais Food Collective, on travaille dans un grand entrepôt avec plusieurs autres associations, une association qui fournit, qui cuisine, une association qui s'occupe des femmes et des enfants, une association qui fait plus des services d'urgence. Enfin, il y a beaucoup de personnes, enfin d'associations différentes qui travaillent dans cet entrepôt. Et déjà, on se connaît. Enfin, les bénévoles mangent ensemble, passent du temps ensemble, etc. Donc il y a pas mal de liens affinitaires avec les autres associations. Et aussi, on travaille pas mal ensemble parce que on a parfois des informations qui se passent. Nous, par exemple, pour la nourriture, parfois, quand on reçoit de la nourriture, qu'on sait, les personnes ne pourront pas forcément cuisiner par eux-mêmes, on les donne à la cuisine pour qu'ils puissent les cuisiner pour après les distribuer. Quand il y a le service d'urgence, enfin parfois quand on n'est pas disponible la nuit, le service d'urgence va distribuer de la nourriture pour nous, enfin notre nourriture aux personnes pour que ça se complète bien et que les gens puissent toujours avoir accès à différents services. Et à Calais, de manière générale, il y a pas mal de liens interassociatifs, enfin il y a un gros tissu associatif. Donc là, j'ai parlé juste de l'entrepôt, mais en fait, il y a aussi genre des hébergeurs citoyens, il y a des personnes qui font un accueil de jour, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve une fois par semaine pour discuter tous ensemble de c'est quoi la situation en ce moment, qu'est-ce qu'on a pu observer dans les différents lieux, mais aussi en termes de santé mentale, de dynamique de passage, de dynamique d'emprise, de parfois des violences, et comme ça, ça permet de passer un peu les informations pour que, si une association va à un endroit qui, en fait, devient très dangereux, qu'on puisse aussi avoir l'information et voir comment on réagit derrière. C'est assez intéressant. Et vous travaillez essentiellement avec des dons, du coup, ou comment ça se passe, ou de la récup, ou comment vous approvisionnez ? La nourriture, on l'achète, parce qu'on achète en grande quantité, on distribue à plus de 2000 personnes. Et on essaie de faire un souci d'équité aussi où tout le monde a à peu près la même chose et aussi on essaie de pas distribuer des trucs qui sont périmés parce que parfois avec la barrière de la langue etc on a peur que les personnes interprètent ça comme on leur donnait des restes que personne ne veut donc on achète principalement la nourriture et après on a quelques dons de d'autres structures qui récoltent pour nous. Et voilà. Et ensuite, au niveau de l'argent, c'est des dons, mais c'est aussi pas mal de levées de fonds auprès de fondations, par exemple. Ok, super intéressant. Et après, donc, j'étais à la plateforme des soutiens aux migrants. Et là, la plateforme des soutiens aux migrants, c'est une association qui existe depuis 2011 et qui soutient les associations, qui soutiennent les personnes exilées sur l'ensemble du littoral nord. Donc ça passe par des formations, par des ressources juridiques, des ateliers de réflexion, de recul, pour aider un peu les personnes à la frontière à s'organiser et à se former aussi. Okay. Voilà. Salut. Salut. Du coup, je m'appelle Philly. Ça fait un an et demi que j'habite à Calais maintenant. Et je suis venue suite à mes études à la base pour faire un stage. Un stage dans une asso qui s'appelle Human Rights Observers et le but c'était de documenter les violences policières à la frontière et en particulier évidemment contre les personnes exilées et en particulier lors des expulsions de lieux de vie. Voilà, j'ai fait ça pendant un temps. Salut, du coup moi je vis à Calais depuis à peu près 3 ans. Et actuellement, je travaille depuis quelques mois pour l'association du Refugee Women Center comme coordinatrice de terrain. Donc on accompagne les femmes et les familles de personnes exilées qui souhaitent ou pas traverser la frontière pour aller en Angleterre. Et donc dans le travail d'accompagnement, nous on va faire tout ce qui va être un accompagnement psychosocial. On va faire un accompagnement via des activités pour les femmes. On va essayer de faire de l'information aux droits, de l'information à la santé, l'information tout ce qui va être droit santé reproductive aussi. Et après des choses beaucoup plus matérielles, distribution de vêtements, distribution de tentes pour les personnes pour qui on ne trouverait pas forcément de solution d'hébergement. Après, on va travailler aussi sur tout ce qui va être question de plaidoyer, donc un peu plus pour alerter les autorités sur la situation qu'elles connaissent très bien d'ailleurs, mais essayer de faire un peu tout ce travail de plaidoyer, un petit peu travail aussi de contentieux juridique dans la mesure du possible, pour essayer de faire bouger les lignes, ce qui est absolument pas évident, parce que la situation elle est comme ça depuis une trentaine d'années et qu'on a beau arriver avec des nouvelles stratégies, des nouvelles envies, enfin on est quand même très vite bloqué par la réalité, par l'absence de prise en considération de la frontière par l'État. Voilà. Mais sinon, dans le travail au quotidien, moi j'aime ce que j'apprécie en fait particulièrement, c'est de bosser avec des femmes, que ça soit du coup bosser avec et pour des femmes. C'est-à-dire que nous, on est une équipe de personnes, de femmes ou de personnes non-binaires. Et on œuvre en fait pour les femmes qui sont à la frontière, qui sont souvent bloquées parce que c'est malheureusement des situations qui sont invisibilisées. C'est-à-dire que c'est quand même un contexte de domination masculine. Il y a beaucoup d'hommes seuls. Principalement, en fait, ce sont des hommes seuls qu'on va plutôt rencontrer sur les camps, dans les personnes qui migrent. Mais il y a beaucoup de femmes et on ne les voit pas souvent. Et en fait, l'association elle avait été aussi créée dans ce but de pouvoir visibiliser leur situation, leur donner un espace sécurisé et un espace où elles peuvent aussi... un espace un peu d'empowerment, comme on peut dire en anglais, d'empouvoirment, où elles peuvent, où ces femmes peuvent aussi... reprendre leur voix, le pouvoir en fait qu'on leur a un petit peu plus trop donné finalement avec la situation. Et moi du coup ce que je disais c'est que j'aime bosser avec pour ces femmes, pas tant en fait dans la relation matérielle, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Ce qui m'intéresse c'est plutôt la partie échange et en fait d'avoir une relation entre guillemets, de femme à femme, de personne... j'ai pas envie de dire vulnérable, parce que c'est pas le mot, justement. Minorisée, ouais, des fois, les minorités de... Des personnes... ouais, les minorités, quoi. Et en fait, pouvoir échanger... juste, en fait, entre femmes ou personnes non-binaires, quoi. Et pouvoir un peu donner des clés à ces personnes-là, des clés de compréhension, des ressources aussi, des ressources pour que... pour qu'elles s'en sortent. Et Tu parlais du fait que c'est un endroit très masculin, la frontière. Quels sont du coup les besoins spécifiques le plus souvent de ces femmes? Et comment est-ce que vous faites, deuxième question, pour cibler ces femmes lorsqu'elles sont en couple avec des enfants, etc. J'imagine que ça doit être compliqué de répondre juste aux besoins des femmes alors qu'il y a les hommes et les enfants aussi à côté. Et comment est-ce que du coup vous gérez ça? Effectivement, je pense que dans les besoins spécifiques des femmes, outre tout ce qui va être l'aspect matériel, de besoins typiquement de vêtements, peut-être de matériel de des tentes, si besoin de dormir sur un camp. Après, ça peut être tout ce qui va être besoin produits d'hygiène, serviettes hygiéniques, tout ce qui est aussi lié aux règles, aux menstruations. Ça va quand même, on sent qu'il y a quand même aussi des besoins de d'informations comme je disais tout à l'heure sur les aspects de santé sexuelle et reproductive, peut-être besoin de contraception parfois, mais en fait ça c'est plutôt l'aspect un peu matériel. De ce que je vois, moi je pense qu'il y a aussi peut-être je pense que c'est mon ressenti très personnel. Je dirais qu'il y a quand même besoin de sortir en fait parfois de ce contexte, de sortir en fait du quotidien et avoir un espace de pouvoir juste se reposer, souffler un peu je pense, et échanger, faire des activités. Moi je le vois un petit peu comme ça aussi, et parfois je pense qu'il y a peut-être aussi le besoin que ces femmes elles soient pas tout le temps en train de s'occuper de leurs enfants, en fait. Enfin, je pense que malheureusement, c'est un peu une réalité où, même si on accompagne effectivement des familles, c'est souvent quand même les mamans, les femmes qui vont avoir la charge et la responsabilité de l'éducation des enfants, et en tout cas de prendre soin des enfants dans ce contexte. C'est pas vrai dans tous les cas, je veux pas généraliser, parce qu'on voit souvent des papas seuls parfois qui ont des enfants, ou même qui participent grandement à la charge de la famille. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, c'est souvent les mamans qui vont avoir cette charge-là, je trouve. Et du coup, j'ai l'impression, en tout cas, dans les personnes qu'on peut accompagner, qu'il y a un petit peu ce besoin aussi de sortir peut-être de ce schéma un petit peu classique, finalement, de voilà, garder les enfants, faire attention à eux, à tout moment, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je remarque un peu quand je travaille sur le terrain avec ces personnes-là. Il y a un peu le besoin de peut-être décharger la responsabilité des enfants sur des personnes associatives qui travailleraient avec les enfants. Il y a une association aussi qui travaille, qui joue avec les enfants. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce besoin, quoi. Et du coup, c'est vrai que quand on parle d'espaces sécurisés, c'est souvent des espaces qui vont inclure les femmes et les enfants. Mais pas les hommes. Et en fait, moi parfois ça me questionne aussi, en fait, maintenant qu'on en parle, parce que je me dis, ces femmes, elles ont aussi besoin, en fait, d'avoir cet espace pour elles, et pas toujours avec leurs enfants. Et ça, bon, malheureusement, on essaye de, quand c'est possible, on essaye de faire en sorte que les enfants puissent aller jouer justement avec l'association dont je parlais, mais parfois c'est pas possible, et on sent quand même qu'il y a, que ces femmes, elles n'arrivent pas totalement, en fait, à sortir de ce contexte, et de arrêter aussi de se préoccuper de savoir où sont leurs enfants, à quel moment, ce qu'ils font. Et du coup, ça, c'est quand même une vraie question. Je pense aussi qu'il y a quand même un besoin de soutien, d'accompagnement. Mais après, il y a aussi des femmes, des personnes qui s'en sortent très bien seules, qui ont traversé des frontières seules, seules ou en groupe de femmes, et pour qui ça marche bien. Donc c'est aussi un petit peu... Bon, ça, c'est pas que pour notre association. Moi, je pense que c'est un peu la difficulté de ne pas rentrer dans le white saving, quoi. La volonté de se prendre pour des sauveurs et sauveuses. Et que si on n'était pas là, les personnes elles seraient en énorme souffrance, énorme trauma, en fait. Pour la plupart des gens, bien sûr, que grâce aux associations, ces personnes sont là grâce aussi aux associations, mais... Dans plein de cas, elles se débrouillent seules et elles arrivent à survivre seules. Et en fait, je dis ça aussi parce que parfois, moi, je me questionne très personnellement, en fait. En gros, je suis quand même très souvent frustrée par le travail, par la situation à la frontière, surtout que ce soit pour les femmes et pour les hommes, mais en fait, frustrée de ne pas pouvoir faire plus. Frustrée d'envoyer des mails à la préfecture sans réponse, frustrée d'essayer de même avoir une bonne entente intelligente avec les autorités et que les autorités n'ont aucune envie de communiquer avec nous. Et en fait, tout ça, je suis frustrée parce qu'en fait, je vois qu'on ne fait que mettre un pansement sur la situation. Et je me disais parfois, est-ce que si on ne faisait pas une grève générale des associations, qu'est-ce que ça ferait, en fait? Est-ce que ça empirerait vraiment la situation des gens? Je sais pas. Dans le sens où, bien sûr, que ça permet aussi de commenter ce qui se passe. Le fait qu'il y ait des personnes associatives, on commente ce qui se passe et tout ça, et on est témoin. Mais en fait, ça n'empêche que les violations des droits humains, ils sont là tous les jours. Et on a beau se réunir entre associations pour essayer de faire quelque chose, on n'arrive pas. Dans le fond, on n'arrive à pas faire grand-chose, quoi, qui soit vraiment bénéfique sur le long terme pour la question des droits humains, quoi. Voilà. Mais du coup, pour moi, c'est assez frustrant aussi, ce travail, pour ces raisons-là, quoi. Et parfois, je réfléchis, en fait, à comment faire vraiment pour que ça soit... quels outils sont vraiment utiles et en fait, à la base, je suis juriste, et du coup, je vois quand même que les outils qui sont utiles, c'est des outils juridiques, pas que, encore une fois, parce que les outils juridiques ont aussi leurs limites légaux. Mais en tout cas, je me dis que par des procédures contentieuses, même si derrière les procédures contentieuses, ça implique forcément des réponses de juges qui ne sont pas tout le temps en notre faveur. Mais enfin, voilà, moi, je pense que faut en fait toucher là où ça fait mal. Et souvent le droit, ça, c'est un outil que je trouve quand même assez intéressant pour ça, même si encore une fois c'est parfois limité. Et voilà, enfin, parce que on a beau commenter, on a beau, il y a souvent des voilà des députés qui viennent, des personnes, des responsables politiques de partis d'opposition ou des responsables politiques en général, des députés ou autres, des députés aussi européens qui viennent en fait. Enfin, des fois je me dis bah c'est super, merci de venir, mais en fait derrière on voit que bah les choses ne bougent pas et les choses s'empirent et le Royaume-Uni finance encore récemment va financer un nouvel accord entre la France et le Royaume-Uni. Il y a un centre de rétention qui est en cours de construction entre guillemets, enfin qui est en cours de pensée en tout cas, et c'est tout, et c'est ça les réponses. Et voilà, du coup pas mal de ouais, un peu de découragement aussi et tu travailles aussi sur il me semble sur la politique du de l'absence de politique de ramassage des déchets. Est-ce que tu peux expliquer un peu la situation à Calais à ce niveau-là? Ouais. Bah alors, du coup, comme je disais, zéro point de fixation, ça veut dire impossibilité d'avoir aucune infrastructure qui soit pérenne dans le temps. Donc ça s'applique pour tout. Enfin, je veux dire, il ne peut pas construire des maisons, ça, voilà. Mais par contre aussi, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de robinet et il ne peut aussi pas y avoir de poubelle. Donc là, sur les campements à Calais, il y a un grand campement où il y a presque 1500 personnes qui vivent là-bas. Et il n'y a pas de poubelle, enfin il n'y a pas de bac où les gens peuvent jeter leurs déchets après. Et aussi où ces déchets vont être ramassés ensuite par un camion, comme ce qui se passe dans toutes les maisons plus ou moins en France. Et en fait, ça fait qu'il y a une grosse accumulation des déchets qui rend les campements très très problématiques sanitairement, qui porte atteinte à la dignité des personnes parce que bah, ils vivent dans une décharge. Et donc c'est très problématique. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de pousser la mairie à mettre en place des poubelles et à mettre en place des services de ramassage de déchets. Donc pour ça, on fait des actions de sensibilisation, donc de ramassage de déchets, où on essaye de mobiliser un maximum de personnes à venir sur les jungles pour faire des ramassages de déchets. On met tous les sacs poubelles près de la route, on appelle la mairie pour qu'ils viennent les récupérer. Et on essaye aussi de faire du porte-à-porte, d'aller parler avec des personnes qui sont en fait concernées par cette situation. Parce que la problématique des déchets, finalement, c'est très problématique pour les personnes qui vivent dans ces campements, mais c'est aussi problématique pour l'environnement, c'est problématique pour les Calaisiens et Calaisiennes qui vivent autour de ces campements et qu'on a juste marre de vivre en face d'une déchetterie. Et donc c'est aussi une demande qui fait assez consensus et où c'est très difficile de trouver des arguments qui soient négatifs. Donc c'est aussi une campagne qui a pour but de mobiliser un maximum de personnes autour d'une même demande pour qu'ensuite peut-être en obtenant cette victoire-là, on puisse en obtenir d'autres derrière. Freedom, item, meet him, where you read him? This one needs a brand new rhythm. Weeding the key, weeding the key into life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Est-ce que, D'un point de vue du coup plus militant, tu trouves aussi d'autres stratégies militantes de ce côté-là ? Ouais, bien sûr. Bah, effectivement, en plus du travail, effectivement, je participe à plusieurs collectifs plutôt militants. Et notamment, je suis dans le collectif Anticra, donc on lutte un petit peu contre les centres de rétention et pour soutenir les prisonniers et prisonnières enfermés au centre de rétention à côté de Calais. Et bon, pareil, on fait un peu ce qu'on peut, mais je pense que c'est hyper pertinent en fait de voir cet aspect de la lutte, c'est d'apporter du soutien extérieur à ces personnes-là. Et après, je suis également dans le collectif de la Legal Team, en fait, où on va justement aussi soutenir les militants et militantes lors d'événements, apporter de l'information au droit. Et en fait, du coup, dans ces deux collectifs-là, l'idée, c'est aussi justement de former les gens sur leurs droits, que ce soit les personnes militantes ou les personnes exilées. Et en fait, moi, je considère, à titre très personnel, que plus on est informé sur nos droits, moi, il y a des chances que nos droits soient détournés. Et plus, en fait, on est fort aussi. Et je trouve que c'est des outils, voilà, comme je disais, qui sont pertinents. Est-ce que tu veux parler de tes autres engagements à côté de cette association, de CFC, et de ce qui, toi, te semble le plus important là-dedans et prioritaire dans la lutte contre les frontières, de manière générale ? Pas obligé. Je sais pas si ça répond très bien à la question, mais de manière générale, moi quand je suis arrivée à Calais, j'avais envie de travailler plutôt de militer à la frontière, parce que en fait à Calais il y a beaucoup d'associations humanitaires qui répondent à un besoin d'urgence en permanence, et beaucoup de personnes qui viennent du coup pour répondre à ce besoin humanitaire. Et en fait du coup, du fait de la politique zéro point de fixation ou de la politique des frontières de manière générale, en fait, il y a une grosse partie de l'urgence qui est créée juste par nos politiques. Par exemple, nous, la nourriture qu'on distribue, parfois, quelques jours après, en fait, elle est juste récupérée par la police. Et donc, ça fait que les gens, ils ont besoin de nourriture, ils vont nous contacter, du coup, on va y aller en urgence, etc. Et en fait, si jamais on n'attaque pas le problème de fond qui est que, en fait, pourquoi la police, elle arrive et qu'elle va récupérer la nourriture des gens? Pourquoi les citernes d'eau qu'on met en place sur les jungles, ils sont sabotés, troués, etc., percés, en fait, on ne peut pas avancer. Enfin, dès qu'on sera toujours en situation d'urgence, on sera toujours en train d'essayer de courir après une balle, et puis c'est un peu les politiques qui vont dicter comment on doit réagir et ce qu'on doit faire. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était travailler plutôt sur ce problème de fond, et puis essayer de mettre en place des campagnes, du plaidoyer. Donc c'est un peu ce qui se passe avec les déchets. Avec CFC, on travaille aussi beaucoup au niveau de l'accès à l'eau, en essayant de sensibiliser au maximum, parfois de travailler du coup avec des trucs, des institutions étatiques, ou des institutions pas étatiques, mais des leviers un peu juridiques qui peuvent exister, soit au niveau européen, soit au niveau national, pour attaquer l'État sur le manque d'accès à l'eau pour des personnes qui vivent sur leur territoire, qui portent en fait atteinte à un problème de santé publique, qui peut être hyper problématique. Et du coup, on essaie de travailler là-dessus. Et donc, globalement, moi, c'était plutôt ça que je voulais faire. Et après, dans cette souci un peu de travailler plutôt sur les côtés un peu politiques, j'ai du coup rencontré aussi d'autres groupes qui sont plus militants et qui, eux, du coup, ne font pas du tout d'humanitaire, mais qui sont vraiment très focalisés sur la partie faire des actions, essayer de faire de la sensibilisation sur ces différentes questions, etc. Et donc, voilà, j'ai fait quelques actions et j'ai commencé à m'investir un peu dans des collectifs, mais je sais pas à quel point je pense que c'était... Je sais pas aujourd'hui, quand on en parle, à quel point j'ai envie d'en parler, parce que j'ai l'impression que c'était une découverte pour moi, mais je saurais pas forcément expliquer autant. Pour les questions d'accès à l'eau, pour les questions des déchets, j'ai vraiment compris la stratégie, comment ça fonctionnait, où est-ce qu'on pouvait aller, et un peu les différentes étapes qui avait besoin. Autant c'est vrai que dans les autres collectifs, j'ai eu moins la sensation de comprendre exactement quelle direction on prenait et puis pourquoi on faisait ça. J'ai l'impression que c'était parfois... ça me parle un peu moins, je pense. Ou alors j'ai moins compris pour l'instant les stratégies derrière tout ça. Du coup, salut tout le monde. Moi, c'est Sik. Je suis un militant antifasciste. J'ai pas mal traîné dans les squats. Et je viens d'un milieu catholique. Et voilà, ça me définit un peu. Du coup, aujourd'hui, je suis là pour parler des luttes contre les frontières. Je pense que l'investissement antifascisme, il se doit aussi d'être contre les frontières, pas uniquement contre les groupes fascistes, parce que les frontières, les centres de rétention administratifs et plus largement même les prisons sont des hauts lieux du fascisme en marche et de la répression. Et je pense qu'une des positions antifascistes, c'est de lutter contre la répression et contre le fascisme qui advient. Et en fait, lutter contre l'État globalement, je pense que voilà, l'antifascisme, il se définit d'abord comme une position contre l'État. Enfin, l'antifascisme est une position contre l'État. Et du coup, si on lutte contre l'État, bah, une des principales choses qui définit l'État, c'est ses frontières, ses prisons et globalement la sécurité partout, tout le temps. Et du coup, pour ça, on a besoin de soutenir les gens qui subissent du coup cette sécurité, cet aspect sécuritaire. Et on se doit aussi de lutter du coup contre les instruments, que ce soit des flingues ou que ce soit des pensées. Et du coup, la pensée fasciste, elle est inscrite dans la pensée sécuritaire. Et du coup, lutter contre les centres de rétention administratifs, les prisons et les frontières et tout ce qui englobe ça, donc la police aux frontières, l'armée, la gendarmerie aussi, bah, en tant qu'antifasciste, on doit lutter contre ça. Donc, parallèlement, je me suis investie dans un squat avec des personnes exilées. Du coup, ouais, c'est quoi ce squat exactement, quand est-ce qu'il a ouvert et comment et combien il y a de personnes qui peuvent y passer, comment ça fonctionne, est-ce que tu peux un peu le décrire? Ouais. Bah, ce squat, du coup, il a ouvert en février 2022. À la base, il y avait un petit groupe de militants qui l'avait ouvert, donc c'est le seul squat à Calais qui est en procédure légale. Après, il y a plein d'autres petits squats cachés un peu partout. Voilà, et puis petit à petit, les militants ont ramené leurs potes ou des gens qui ont commencé à... Enfin, des personnes en transit dans le squat. Et puis, il y a une forte répression qui s'est faite sur les militants qui avaient ouvert le squat, qui se sont fait, pour certains, GRT de France. Donc, ils ont une interdiction administrative de territoire français, par exemple, enfin, deux d'entre eux. Et très rapidement, le lieu est devenu un lieu où il n'y a que des personnes en transit à la frontière qui y vivaient, sans personnes blanches. Voilà. Et donc moi, j'ai commencé à m'y investir assez... Genre pas tout de suite, mais au bout de 2-3 mois d'ouverture, je crois. Par y passer régulièrement. Ensuite, il y a eu cette phase justement où il y a la forte répression sur les militantes et du coup qui sont parties. Et moi, j'ai continué à m'y investir parallèlement à mon stage pour assumer des tâches genre où nécessairement fallait avoir un permis de conduire, fallait avoir une maison avec de quoi faire charger des batteries, etc. Donc typiquement sortir les poubelles du squat parce que la mairie veut pas récupérer les poubelles au squat, par exemple. Ou faire charger des batteries. On avait trouvé un système, comme il n'y a pas d'électricité dans cette maison, on a réussi à récupérer des batteries de trottinettes pour en produire de l'électricité de manière alternative. Donc il fallait les charger. Donc voilà, c'était mes petites missions. Puis à un moment, je suis partie de Calais pendant un mois. Puis je suis revenue dans une autre association qui s'appelle Calais Foot Collective, qui a pour objectif de distribuer de la nourriture sèche, donc la nourriture à cuisiner, sur les jungles. J'ai pas besoin de définir les jungles, non ? Comme tu veux, si tu peux peut-être expliquer comment toi tu les définis. Les jungles, c'est les lieux de vie des personnes sans papier. En fait, jungle, c'est un mot en bengali, je crois, qui veut dire forêt. Du coup, ça peut sembler très péjoratif pour les personnes qui vivent, mais a priori, c'est le mot qui est communément utilisé à Calais pour parler de ces lieux de vie qui sont effectivement souvent dans des forêts ou dans des sur des terrains vagues. Voilà. Donc je faisais ça pendant quelques mois. Et puis en novembre, on a eu la décision du juge pour le squat qui nous a accordé 3 ans avant une expulsion. Donc c'est le temps maximum que tu pouvais à l'époque obtenir pour avoir un... avant d'être expulsé d'un squat. Donc c'était une superbe décision. Et comme pour moi le squat ça me prenait déjà beaucoup d'énergie parallèlement à mes activités bénévoles dans les assos, j'ai fini par dire ok, j'ai la possibilité de plus dépendre des assos et de juste être un peu toute seule, juste continuer à m'investir pleinement dans le squat. D'ailleurs tout à l'heure j'ai dit que en fait, il y avait un petit groupe de militants qui sont tous fait jeter et ensuite c'est devenu un lieu d'habitation que pour des personnes racisées, des personnes en transit. Mais ça a toujours été le cas. Enfin, suite à on va dire, l'éviction du premier petit groupe, ensuite c'était que des initiatives très individuelles de personnes avec papier qui venaient soutenir le squat. Mais voilà, on a été 3 femmes en 1 an, par exemple, un peu à se succéder ou être... ou à y être investi en même temps, et aucune de nous n'avait vraiment vécu au squat. Et c'est pas notre lieu de vie principal du tout, quoi. Et voilà. Donc j'ai fait ça là de novembre à juin. J'étais investie dans ce squat. Et après concrètement, du coup, comme je disais, mon idée, moi, c'était de soutenir les initiatives qu'il y avait à l'intérieur du squat. Enfin, genre essayer de, grâce à, aux ressources dont je dispose. Et si, s'il y a des nouvelles personnes qui sont archi chaudes de, construire une nouvelle douche ou juste de faire un gros ménage, et essayer dans ce cas-là de prévoir le matériel, de me débrouiller avec les assos et les contacts que j'ai pour trouver un véhicule, pour trouver tout le matériel qu'il faut pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà, j'ai un peu du suivi juridique aussi avec l'avocate. Et puis, en fait, j'ai fait plein de choses. Il n'y a pas de journée typique de soutien au squat. Il y avait parfois c'était du soutien très personnel aussi, des personnes que j'ai soutenues dans leur procédure d'asile ou pour les réorienter vers d'autres assos, des structures. Voilà. Et mon objectif, je crois, que c'était d'essayer de créer dans ce lieu. En fait, je me disais, on a une maison à Calais comme ça, qui est en procédure légale, qui est à peu près stable. Dans la mesure où on a 3 ans, il n'y a pas d'autres lieux comme ça à Calais qui ne soient pas gérés par des blancs et par des assos. Je précise que je suis vraiment très blanche. Mais je veux dire qu'ils soient pas. Je me suis jamais considérée comme la cohorte du squat. C'est pas du tout ça. Et j'ai jamais décidé qui entrait, qui pouvait pas entrer. J'ai jamais eu cette capacité-là, ce pouvoir-là, et c'était jamais été mon objectif. Mais disons que c'est la seule maison dans laquelle justement t'avais pas de personne avec papier qui avait le mot final sur ce qui pouvait se dérouler dans cette maison. Donc je me suis dit, c'est un lieu précieux comparé au jungle. C'est difficile de s'investir dans une jungle. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? En vrai, je sais pas si c'est tant difficile. Pourquoi est-ce qu'on s'investit plus dans un squat que sur les jungles, finalement? Pourquoi il y a toujours des militants qui sont prêts à aller vivre dans un squat, se dire waouh, on va créer une semaine de construction sur un squat, et pourquoi pas sur les jungles? Bon, en vrai, s'il y a quand même plusieurs réponses. Genre le fait que déjà le lieu il a été ouvert par des personnes militantes, du coup il y a une forme de responsabilité. Mmh. Et aussi parce qu'il faut continuer à avoir du soutien juridique sur cette maison. Et donc des personnes qui sont en capacité de se poser pour ça et d'avoir. Enfin, qui sont francophones et qui connaissent les lois aussi, c'est utile d'avoir des personnes militantes. Francophones et qui connaissent le milieu du squat un peu pour continuer à s'investir dans le lieu. Ce serait utile sur les jungles aussi. Ce serait utile sur les jungles. Mais je pense qu'il y a un autre truc aussi, c'est juste le squat c'est un lieu stable. Ouais. Tout simplement. Les jungles elles sont expulsées toutes les 48 heures, 24 à 48 heures. Enfin, c'est un lieu stable, c'est plus facile de se projeter. Et puis sur les jungles, il n'y a pas de blanc qui va vivre par choix sur les jungles. Nous, les blancs, on a le choix de pouvoir. Les personnes avec papier, on a toujours le choix de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, globalement. Pardon. Mais. Du coup, c'est beaucoup plus facile de se projeter dans un lieu qui est stable, avec des murs et un toit. Genre, personne n'a envie de vivre sur les jungles. Enfin, les personnes en transit n'ont pas envie, mais les blancs non plus. Bon. Donc c'est une forme de stabilité, déjà, un peu plus que la jungle. Ouais. C'est une forme de cadre, déjà, avec le mur, le toit, le fait que ce soit un endroit précis qui ne puisse pas être expulsé. Ouais. C'est une première stabilité qui permet effectivement de concrétiser l'accompagnement juridique, etc. Oui, c'est ça, okay. De se projeter un peu différemment. Mais du coup, moi, mon objectif... Alors, il faut savoir que du coup, j'ai été très seule durant cette année-là en tant que personne avec papier au squat. Et comme je disais, on a été trois femmes à se succéder un peu ou à être ensemble, mais on n'a jamais travaillé, enfin, on n'a jamais soutenu le squat de manière coordonnée, bon, pour plein de raisons différentes. Et mon objectif, ça a été d'essayer de créer une dynamique collective autour de ce lieu pour les habitants qui vivent à l'intérieur, pour rendre la maison un peu plus... comme un lieu de ressources, un lieu de... Ouais. De repos. Ouais, un lieu de repos et de ressources. Okay. Bah, mais voilà, il y a eu plein d'obstacles qui fait que je crois pas du tout avoir réussi. Après, enfin, globalement, j'ai pas réussi. Si on regarde le squat à l'heure actuelle, j'ai pas du tout réussi. Mais en même temps, si, enfin, je sais qu'il y a des groupes, à certains moments, des personnes qui sont passées avec qui c'était beaucoup plus facile de créer des moments de vie collectifs ou une dynamique collective qui soit plutôt paisible et de repos, disons. Et donc il y a eu des moments où ça a fonctionné, je pense. Okay. Genre on arrivait à s'organiser collectivement pour, je sais pas, pour nettoyer le squat, pour proposer une réunion, pour ou même pour s'organiser pour faire des sorties, enfin... Genre aller à la plage en journée pour profiter de la plage, pas pour se dire potentiellement je vais passer en Angleterre. Mmh. Ou aller faire un bowling. Ça, on a réussi à faire ça aussi avec d'autres assos. Donc je pense que ça a été utile, mon investissement. Et les gens restent combien de temps à peu près dans ce squat et c'est quelle communauté qui s'y retrouve? Alors ça a beaucoup bougé. Enfin ça n'a pas tant bougé, non. Au début... À l'ouverture du squat, quand moi j'étais pas trop, il y avait beaucoup de nationalités différentes. Et puis à partir de l'été 2022, il y a eu quasiment que des Soudanais. Okay. Que des Soudanais jusqu'au ramadan de cette année-là, enfin au printemps de cette année, où là d'un seul coup il y a eu plus de nationalités un peu différentes qui ont commencé à se côtoyer. Bon après, c'est en général, si t'avais une chambre, une communauté, okay. Du coup il y avait des Soudanais, des Érythréens pendant un temps. Pas longtemps, les Érythréens. Des Sud-Soudanais, surtout beaucoup de Sud-Soudanais qui sont arrivés en début d'hiver 2023 et qui maintenant sont, je pense, stables dans le squat. Comment ça s'explique? C'est selon la géopolitique ou c'est vraiment l'organisation sur Calais qui fait que les personnes se répartissent les lieux par communauté comme ça? Dans le squat? Ouais. Dans la maison, précisément. Bah, après, ce qu'on voit dans le squat, oui, c'est ce qu'on observe partout. Enfin... C'est vrai aussi sur les jungles à Calais et de ce que j'avais pu voir sur d'autres frontières ou d'autres lieux. Les personnes s'organisent par communauté. Spécifiquement à Calais, enfin, je ne saurais pas dire pour partout, mais ce que je sais à Calais, c'est que les réseaux de passage, ils s'organisent souvent quand même par communauté aussi. Donc tu as des réseaux des dynamiques de pouvoir qui se jouent entre les communautés liées à ces réseaux de passage. Moi, c'est ce que j'en comprends. C'est par la force du nom, par exemple, parce qu'il y a plus de Sud-Soudanais à Calais, du coup, qui ont pris plus l'espace du squat, plus que par des raisons géopolitiques qui font qu'il y a plus de Sud-Soudanais, genre de manière générale, qui arrivent à Calais. Non. Bah, en gros, vraiment, dans le squat, globalement, la majorité des personnes sont soudanaises. Mmh. Mais oui, à partir de janvier, il y a eu plus de Sud-Soudanais. Mais je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Je pense qu'il y a peut-être eu, il y a peut-être eu un gros groupe de Sud-Soudanais qui est arrivé et qui a commencé à occuper un espace dans la maison et finalement qui ne l'a jamais lâché, qui continue d'y être à l'heure actuelle. Mais en fait, non, je ne saurais pas dire pourquoi ils sont arrivés à ce moment-là, pourquoi à tel moment. Après, ça dépend des météos. Quand parfois il faisait archi pas beau à Calais. Enfin, je me souviens en juin par exemple. Enfin, juin, normalement, c'est le début de la saison des passages. Donc, la météo est bonne et les gens passent. Et en fait, l'été, en début juin, il y a eu 2 semaines de météo terrible. Il pleuvait, il faisait froid. Et ben, dans le squat, il y avait 60 personnes. Alors qu'à la base, c'est une maison, c'est une grande maison, hein, mais je pense qu'elle avait été faite pour une famille de 7, 8. C'est une grande maison. Hein. Et là, il y avait 60 personnes, des personnes qui dormaient dans ce qui avait été construit comme la cuisine, dans la salle de bain, partout, il y avait des gens partout. Plein de nationalités différentes. Parce que du coup, les gens étaient bloqués à Calais à cause de la météo. Et les gens restent combien de temps à peu près dans le squat ? Bah, il y a deux dynamiques. T'as vraiment ceux qui restent pas longtemps. Enfin, ceux qui cherchent vraiment à passer en Angleterre. Et du coup, ça peut quand même prendre plusieurs mois. Mais je dirais, enfin, deux mois, quoi. Ça peut aussi être très rapide. Enfin, ça dépend de la chance ou de l'argent qu'ils ont, surtout. De la météo. Ouais, de la météo, bien sûr. Et c'est vrai que dans cette maison, il y a aussi des personnes qui sont là pour un temps. Enfin, il y a des demandeurs d'asile qui n'ont pas eu de logement par l'OFI et qui, du coup, bah, trouvent leur compte à Calais parce qu'il y a beaucoup de personnes exilées. C'est un peu facile de s'organiser. Enfin, ils ont un lieu dans lequel ils peuvent s'organiser par communauté. Enfin, oui, et puis il y a carrément des personnes qui ont trouvé un intérêt financier à rester à Calais aussi et qui participent à l'aide au passage. En fait, juste, je précise que tout ce qui se passe dans le squat, c'est les dynamiques qu'on peut retrouver, c'est les mêmes qu'on retrouve partout dans les jungles. Et du coup, imaginons que ce podcast, il tombe entre de mauvaises oreilles. Il n'y a rien de différent entre ce qui se passe dans le squat et dans les jungles. Et voilà. Faut pas que ce soit une raison de plus de criminaliser le squat. Et qu'est-ce qui t'a amené à Calais de base et à lutter sur ces enjeux-là ? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était ancré dans tes engagements par le passé ou est-ce que tu avais d'autres engagements et enfin comment t'as pris conscience en fait de la situation à Calais et que tu t'es dit bah ouais c'est là que je veux aller militer et m'engager ? Bah moi ma politisation elle a commencé par l'environnement, enfin pour la lutte écologique. Et c'était il y a quelques années, il y a très récemment en fait, genre peut-être 2-3 ans, où j'ai pris une grosse claque sur en fait comprendre les enjeux environnementaux et à quoi allait ressembler plus ou moins mon futur. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui faisait trop sens pour moi. Et j'ai fait des études d'ingénieur et je travaille dans la recherche en biomédical, enfin un truc qui n'a rien à voir. Enfin, j'ai décidé de faire un pas de côté, genre de quitter mon travail, de faire complètement autre chose. Et j'avais décidé à ce moment-là que je vais m'intéresser un petit peu à ces volets humanitaires. Et j'avais envie de... Enfin, je ne savais pas trop où aller. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas aller en France parce que je me sentais un peu plus légitime plutôt que, je sais pas, d'aller construire un pied en Afrique ou je ne sais pas. Donc je me suis dit je vais aller en France, voir qu'est-ce que je peux faire et puis aider un petit peu là-bas. Et donc j'étais à Dunkerque il y a maintenant un an et demi, pendant deux mois. Donc Dunkerque, c'est un endroit où il y a un autre campement de personnes qui essaient de traverser en Angleterre. Et en fait, ça m'a hyper... je sais pas si c'est choqué le mot, mais en fait, je me suis rendu compte de... ça m'a politisé en fait, de manière très radicale et très rapidement. Enfin, de voir la police, de voir les expulsions, aussi de me rendre compte de tous les biais racistes que je pouvais avoir. Moi, personnellement, la première fois que je suis arrivée sur les campements et quand je suis partie après deux mois, je me suis rendu compte à quel point j'avais énormément évolué sur ma manière de voir les choses, de comprendre la situation. Et en fait, ça m'a hyper questionnée sur notre système de manière générale. Enfin, comment... À quel point, genre, même... Enfin, moi qui ne me considérais pas forcément comme une personne hyper... Enfin, plutôt comme un allié de la cause, en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais des biais hyper problématiques aussi inscrits en moi, etc. Et donc, du coup, ouais, ça m'a révoltée aussi contre, je sais pas, tout, contre mon éducation, contre pourquoi on me l'avait jamais dit, pourquoi on m'avait jamais expliqué ça, pourquoi des personnes m'expliquaient les conséquences de la colonisation, enfin... Et en fait, aussi, je pense que je suis partie là-bas parce que donc j'avais commencé un peu à me politiser aussi via l'écologie et que c'est vrai qu'on parle beaucoup de en fait des conséquences que ça va avoir, ça va être des mouvements de masse de population et donc je voulais un peu essayer de comprendre aussi ce que ça voulait dire parce que c'est vrai qu'avoir tous ces chiffres, moi j'avais du mal à cerner le problème, enfin ou en tout cas à connecter émotionnellement avec ce que ça voulait dire et c'est vrai que du coup voir ça, ça m'a fait prendre conscience en fait de ce que ça voulait dire, enfin la moitié de la population qui va devoir quitter l'endroit où il vit et que ça m'a un peu convaincue pour rester là-bas, enfin pour continuer à militer en tout cas à la frontière. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que du coup dans les groupes écologiques où je travaillais, on lisait beaucoup, enfin c'était très théorique, on lisait beaucoup de bouquins sur les révolutions, sur les mouvements sociaux, sur comment ça, on a fait avancer les choses dans le progrès, etc., je sais pas quoi. Et c'est vrai que, enfin moi ce qui m'intéressait c'était aussi de parler avec des gens qui en fait avaient fait des révolutions, qui savaient comment on faisait, enfin ce qui s'est passé au Soudan par exemple, c'est assez fou, et je trouvais ça hyper intéressant d'aller travailler à un endroit où du coup bah tout le monde pouvait un peu genre s'échanger du savoir, et on pouvait parler stratégie avec des gens qui avaient vraiment fait des choses à d'autres endroits, et qu'on pouvait peut-être un peu s'entraider, se donner des pistes, des tactiques, etc. Enfin que c'était, ça pouvait être super chouette de travailler dans des mouvements qui étaient un peu plus multiculturels, avec plein de choses qu'on pouvait s'apporter les uns les autres. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je suis revenue à Calais en janvier, en me disant que j'allais rester à Calais et que j'allais vraiment essayer de m'impliquer sur le long terme et d'essayer de comprendre comment on pouvait faire avancer les choses là-bas. Tu veux parler de ce qui s'est passé au Soudan, justement ? Est-ce que tu en as compris ? Bah, je pense pas l'avoir super, assez bien compris pour pouvoir en parler. Et je pense que je suis pas non plus la meilleure personne pour le faire. Mais en tout cas, j'aimerais bien... Enfin, là, je suis en contact avec des amis et j'aimerais bien qu'eux, ils viennent... Enfin, peut-être avoir organisé une petite conférence ou quelque chose comme ça. Enfin, on a des espaces à Calais qui existent pour organiser des événements, et je me disais que ça pouvait être chouette de leur proposer de prendre justement genre la place et d'expliquer, enfin donner un petit cours quoi, un cours de révolution, s'ils ont envie. Et voilà, enfin... Ok, et comment depuis ton milieu chrétien du coup t'en es arrivé à l'antifascisme, et quel lien tu fais entre les deux ? En fait, moi j'ai été éduqué de manière catholique, alors catholique progressiste, ce qui pour moi change beaucoup de choses. Je viens de la campagne, donc j'ai été scout, etc. Et du coup, dès le début, je pense qu'il y a une valeur de solidarité qui est présente, qui, dans les termes chrétiens, s'appelle charité, mais que moi, j'ai appris en tant que solidarité. En gros, s'occuper des plus amoindris ou des plus oppressés, être solidaire avec eux et avec elles, c'est une position que j'ai apprise le plus jeune possible. Et du coup, en fait, la solidarité, ça a été vraiment une des valeurs qui m'a dit, bon, bah déjà, je suis de gauche. Voilà. Et après, je pense que... il y a eu ce besoin aussi personnellement de se battre pour ses idées. Et du coup, se battre pour ses idées, je pense que in fine, ça m'a fait arriver dans les milieux antifascistes. Et en fait, je pense qu'il y a aussi ce truc de t'es à la campagne, tu vois qu'il y a des discours genre Marine Le Pen, etc., où tes potes prennent ça sous forme de blague, ou alors commencent à les répéter en mode sérieux alors qu'ils ont jamais, qu'ils ont jamais connu ce que c'était d'avoir un travail ou de se faire voler son travail, même si ça a jamais existé en fait. Tous ces discours-là, ils imprimaient les cerveaux, et j'entendais des potes les répéter, moi je les comprenais pas. Et du coup, je pense que c'est cette répétition qui m'a fait me dire, mais en fait, c'est grave ce que ce discours fait aux gens, alors qu'on devrait être solidaire, qu'en fait, le vrai problème, c'est pas les étrangers, mais c'est le capitalisme. Et ça, je l'ai eu, je pense, vers mes 15-16 ans, en fait, que le problème, c'était de se dire... Bah en fait, moi, ce que je vois, c'est mes parents qui travaillent toute la journée, et à aucun moment, c'est les étrangers ou les étrangères qui leur posent problème. En fait, on en accueillait à la maison, déjà. Il y a aussi ça, aussi, je pense. J'ai beaucoup été éduqué à l'altérité dans son grand ensemble, de se dire, enfin, mon père est né en Afghanistan, du coup, chaque Noël, on accueillait des Afghans. Je me rappelle aussi, il y a une famille albanaise qu'on a accueillie, etc. Et du coup, très vite, pour moi, les discours en mode « c'est les étrangers qui posent problème », pour moi, étaient inaudibles. Parce qu'en fait, le principal problème des étrangers, c'était nous. Et pas l'inverse. Et du coup, Je pense que quand on mélange tout ça, plus des bouquins que j'ai pu lire ou des cours que j'ai pu suivre après, puis bon, un jeune garçon qui se découvre, etc., on pourrait expliquer aussi comme ça, mais tout m'a amené vers l'antifascisme en mode... ouais, le discours raciste, c'est ce qui me déplaît le plus aujourd'hui. C'est un truc que j'entends pas et que je comprends pas, en fait. Et j'avais besoin de le combattre déjà parce que mes potes commençaient à l'avoir. Et puis que j'ai appris qu'il y avait des... Au-delà de juste de blagues de potes et de discours, il y avait des gens qui utilisaient ces discours pour aller attaquer des gens, quoi. Et en fait, quand je suis arrivé à Lyon, c'est vraiment une fois toutes les trois semaines, un mois, t'as un gars qui se fait poignarder parce qu'il est arabe, t'as une personne qui se fait poignarder parce qu'elle est gay ou lesbienne. Enfin, je veux dire, il y a ce truc où au bout d'un moment, tu te dis, enfin, pourquoi, et t'as envie d'agir contre ça, quoi. Ok, et du coup, t'as trouvé plus la force dans des collectifs ou genre t'as commencé plutôt seul ? Moi, j'ai commencé plutôt seul. Et en fait, la première ville où j'étais, du coup, on a créé un groupe à Nard. Mais c'était pas spécifiquement de l'antifascisme, mais on faisait de l'antifascisme. Et quand je suis arrivé dans la deuxième ville, du coup, Lyon, là, j'ai été avec des gens et puis après dans des collectifs, etc., antifascistes. Et du coup, voilà, c'est plutôt comme ça que j'ai commencé. Ok. Mais il y a ce truc où... Enfin, ce qui est bien avec les collectifs, c'est qu'en même temps, il y a une pensée que tu peux avoir personnellement et en même temps, tu as des lignes de groupe qu'il est important de partager. Et je pense que ça me plaît comme façon de fonctionner. Tu erres le long des quais, le long des villes, de quart en quart. Tu essaies de t'enfuir et tu traînes toujours la même histoire. Tu as marché sans t'arrêter, loin de ta vie, loin du passé qui te poursuit et tu avances seul dans le soir. Les jours précaires, les rêves des fées, toutes ces misères, ces cris glacés sont derrière toi. Ce soir t'y vas. Mes amis, ciao, ciao. Mes projets, ciao, ciao. Mon pays, ciao, ciao. Ce soir je pars. Les jours gris, ciao, ciao. Mon frère, ciao, ciao. Mes amours, ciao, ciao. Vers mon histoire. Toutes ces frontières de barbelés, tous ces cercueils de liberté déchirent ta peine et crachent sur la flamme de ton espoir. Tu voudrais vivre la vie la vraie, celle qui enlace la dignité, loin du vacarme, et tu chantes toujours ton désespoir. Les jours de guerre, le cœur brisé, les nuits de peine à chavirer sont derrière toi. Ce soir t'y vas. Mes amis, ciao, ciao. Mes projets, ciao, ciao. Mon pays, ciao, ciao. Ce soir je pars. Les jours gris, ciao, ciao. Mon frère, ciao, ciao. Mes amours, ciao, ciao. Vers mon histoire. Les jours gris, ciao, ciao. Mon frère, ciao, ciao. Mes mes amours, ciao, ciao, vers mon histoire. Mes amis, ciao, ciao, mes projets, ciao, ciao, mon pays, ciao, ciao, ce soir, je pars. Les jours crient, ciao, ciao, oh mon frère, ciao, ciao, mes amours, ciao, ciao, vers mon histoire. Et après, à côté de ça, tu as d'autres engagements aussi contre les centres de rétention administrative. Genre, ouais. tu héberges aussi des personnes. Est-ce que tu peux parler un peu de ces différentes actions que tu fais par toi-même et comment tu le vis ça aussi émotionnellement? Enfin, t'es pas obligée ou juste... Mais en vrai, c'est hyper intéressant. Il y aurait tellement de choses à dire. Enfin, je sais pas si c'est hyper intéressant, mais moi, ça m'intéresse. Mais ce que je voulais dire, ouais, c'est que moi, ma manière de m'organiser depuis un moment, c'est justement de pas trop m'organiser et d'être un peu autonome. C'est pas nécessairement un choix. Enfin, je pense que dans le squat, ça aurait été chouette pour plein de raisons, qu'on soit vraiment un collectif et qu'on soit plusieurs. Et en même temps, il y a des bons côtés à s'organiser seule. Et le fait d'être une femme peut parfois faciliter ou compliquer les choses. Mais enfin bref, ouais. De fait, ma manière de m'organiser, même si ça n'a pas toujours été un choix, c'est pour le moment, c'est plutôt de manière autonome. Okay. Parce que mon engagement principal depuis que je suis à Calais, c'est autour du squat. Et j'ai toujours été hyper... Enfin, pas autonome. Mais ouais, j'ai quasiment toujours été seule sur ce que je faisais au squat. Bref, du coup, ben après, ouais, enfin, j'ai la chance d'avoir un appartement aussi, du coup, dans lequel je fais de l'hébergement un petit peu, de temps en temps. Et voilà, et je suis peu investie dans des collectifs. Et tout ce que je fais, je crois que je le fais un peu parce que j'ai des potes qui se retrouvent en CRA, et du coup, de fait, ouais, bah oui, je fais partie du collectif anti-CRA parce que. J'ai eu des potes à un moment en CRA où j'en aurais peut-être un demain, enfin là, bref. Et du coup, bah oui, dans ce cas, je vais aller faire des visites et je vais aller essayer de rencontrer des gens. Et les personnes que tu héberges, c'est des personnes que tu rencontres comme ça, par coïncidence du coup, ou c'est plus organisé ou c'est vraiment au jour le jour? C'est pas du tout organisé. C'est pas du tout organisé, c'est carrément au jour le jour. Ça m'arrive d'héberger des personnes que je connais absolument pas, qui sortent du CRA et qui m'ont... Enfin, ça m'est déjà arrivé qu'ils m'envoient juste un message en disant « Salut, je sors du CRA, mais j'ai pas de lieu. » Enfin, je me suis fait arrêter à la gare de Calais quand je suis arrivée, je connais personne. Est-ce que tu aurais de la place pour moi? Ok. Puis les gens restent jusqu'à ce qu'ils trouvent autre chose. En général, ils arrivent à passer en Angleterre. Et après, pendant un moment, j'avais hébergé une famille aussi. Ils étaient 7 dans mon tout petit appartement. Et c'était une famille que j'avais croisée au squat et... En fait, le squat peut aussi être un lieu vraiment hostile pour plein de raisons différentes. Et du coup, j'avais essayé de leur proposer... Enfin, on s'était serré chez moi pendant un temps. Puis après, c'était plus possible physiquement. Ça devenait trop compliqué. J'avais commencé à avoir de sérieux problèmes avec le voisin. Voilà. En vrai, j'aurais plein de choses à dire sur les dynamiques qui se jouent au squat. Mais parfois, c'est comme partout à Calais, c'est parfois un lieu hyper violent. Et... genre les violences que les personnes subissent ou ont subies sur leur parcours d'exil, bah tu les retrouves dans... Enfin, ça fait que les dynamiques entre... Je trouve ça un peu bizarre ce que je veux dire, mais ça peut être un lieu hyper violent. Bon, t'as souvent des fights, quoi. Ouais. Et du coup, ça m'arrive très souvent d'accueillir des personnes qui sont victimes des fights. Okay. Et les personnes restent combien de temps à peu près et comment ça se clôture? Enfin, parce que toi, tu dois être épuisée aussi au bout d'un moment. Non, oui et non, parce que ça m'est déjà arrivé. Enfin, la plupart du temps, moi, quand il y a de l'hébergement à la maison, ce que je fais, c'est, enfin voilà, je donne les clés. Je vais pas nécessairement faire les courses. Enfin, si quand les gens sont vraiment qui n'ont pas du tout d'argent, ben je me débrouille pour demander de l'argent, enfin de la nourriture aux assos. Et mais on s'organise pas nécessairement ensemble. Genre voilà, le but c'est que les personnes soient autonomes carrément. Enfin, je me mets pas beaucoup plus de responsabilités. J'attends que l'appartement il soit nettoyé normalement. Moi bon, après j'ai pas trop besoin de le formuler. Ça, c'est des choses qui se font assez naturellement. Du coup, je crois pas qu'il y a un poids vraiment qui il n'y avait pas beaucoup plus de responsabilités quand j'héberge des gens. C'est juste, c'est la vie en communauté qui parfois peut être un peu fatigante. Et oui, ici, ceci dit, ça m'est déjà arrivé d'héberger des personnes qui étaient en, qui étaient en détresse psychologique. Et là, c'était compliqué. Genre, c'était compliqué. Où il fallait repasser derrière tout. Mais du coup, en général, je fais appel à d'autres copains qui... Enfin, d'autres potes de la personne pour dire, bah écoute, si tu veux, viens dormir à la maison aussi. Et puis voilà, comme ça, vous vous autogérez. Du coup, ça m'a pas particulièrement... Ça, je crois pas que ça me fatigue particulièrement. Hello, my name is Baran. I'm from Turkey. I'm a sociologue. So why are you in Calais right now? Right now. I'm studied for... The context is unconditional hospitality to refugee. Mm-hmm. But it's just one part. So I try to observe the border experience. Mm-hmm. I just... The Calais was the popular, if you know. So I learned from the somewhere, some mm-hmm. article. Then I decided to come to observe what's going on in the Calais. And what did you find for now? Okay, that's a question. Not, I already concluded before, because this research continue for my PhD thesis. I already concluded something. But the most important question was how we can accept the person who continuously break the harmony. So, because this is the border also. So we are against the border, nation state border. But question still, we need a border or not? So I was in the one case, actually, you were witness also. I'm not gonna give any name for this case, but I can explain if you want. So when I arrived the house, there was a one undocumented person, and also you know, activist. So I will make a summary of what we said, but yes. So yes, you were talking about the difference between charity and solidarity, saying that there is this thing of making, like charity would be most the part when you have a host and a guest, and solidarity will be like more equal, like to make, to be like same, at the same level. And make community together. Yeah, that's true. The thing about the charity when you or aid help, so it is obviously someone giving the food or clothes to other one, and it's all clear the unequal circumstances. But when documented and undocumented people solidarity doing the same together. Maybe coupe, cutting on the kitchen or the cleaning or anything together. So this more equal relation. So the solidarity much more the close to for my opinion, to equality. And so this is what you observe also in the associations in Calais, this kind of solidarity, or is it more charity? I can't say clearly, but. As I observed, and also in the warehouse, and there is not possible undocumented guy can work. As I know, okay. I'm not sure, but you can observe this easily. So the all volunteer is documented, solidarian doing stuff is documented people. Almost all. There is some extreme cases. But I don't know if some of them is try to maybe the more equal relation with the undocumented people. But maybe we can say the nature of the association thing, this thing is need differences between documented and undocumented. À suivre. عيا قلال السبع بوثي الساس عقل خالة بليدي ما بلدي كرهني مدن فلاك اثنى ناك نك حسبك سكل والي وسكل والي سيخ فيك يا يقولا وينا يقولا ارمي ثجيغ وحدي هي هي هي سيخ فيك يا يقولا وينا يقولا ارمي ثجيغ وحدي هي هي هي أفسن مقرحوك اسمين الرس لميس نتسير حنكونين صباد صباد أثاج عبوف ذب قرسي شبحوك زميس ذبقولي ورثيت سفحاد ورثيت سفحاد بيس لعودي بذار نسمسي بغض الخياليس سوى مطيلان عبد لان de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de gender d'une personne? Exactement. Comment se siente? ¿Y qué? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva? Oh, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. Para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps.